Le 23 courant, il y a eu à Madrid, Espagne, la réunion internationale pour la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, sous les auspices de l'Institut royal de la stratégie internationale Ilcano d'Espagne. Y ont pris part la délégation de l'Institut du désarmement et de la paix du ministère coréen des Affaires étrangères, ainsi que les délégations des établissements d'études de la politique de divers pays, comme Espagne, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Russie, Pologne, Chine, États-Unis et Corée du Sud. Lors de la réunion, on a échangé les points de vue sur la cause de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne et sur les moyens pour le règlement du problème de la péninsule coréenne. Le côté nord-coréen y a affirmé que la politique d'austérité envers la Corée et la menace de guerre nucléaire des États-Unis sont la cause principale de l'empirement de la situation dans la péninsule coréenne.